إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous sommes arrivés au troisième hadith. Al hadith al thalith حق الله على العباد. Donc le thème, le sujet de ce troisième hadith, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Donc quand il y a un droit, c'est de l'autre côté, il y a des devoirs, des obligations. Donc là, souvent les gens connaissent bien ce mot-là, le mot droit. Mais souvent, ils oublient ou font semblant d'oublier le mot devoir, obligation. Lorsque vous demandez vos droits à quelqu'un, c'est que lui, vis-à-vis de vous, il a des devoirs. De même que vous, vous avez des devoirs. Donc dans la vie, on a des droits et on a des devoirs. Là, il est question du Créateur, subhanahu wa ta'ala, Allah, azza wa jal. Allah, il a des droits vis-à-vis de ses créatures. Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a un grand ouvrage qui s'intitule « Kitabu al-Tawhid ». الذي هو حق الله على العبيد. Le livre du monothéisme, de l'unicité d'Allah, qui est le droit d'Allah sur les serviteurs, sur les adorateurs. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. Donc dans ce hadith, d'après le compagnon Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, qui dit, j'étais sur une monture derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie du prophète, alayhi salatu wa sallam, et cette monture, c'était un âne. Un âne, c'est un animal connu et qui sert de monture comme d'autres animaux. Hein, les Arabes, ils avaient comme bête qui servait de monture, il y avait l'âne, il y avait la mule, le mulet, il y avait le cheval et il y avait le dromadaire. Les Arabes, ils connaissent pas le chameau. Les Arabes, ils connaissent le dromadaire, celui qui a qu'une bosse. Le chameau, il a deux bosses, il est en Asie, il n'est pas connu de chez les Arabes. C'est pour ça que le dromadaire, on l'appelle aussi Al-Jamalul Arabi. D'accord ? Et au Maghreb, ils ne connaissent pas le chameau, ils connaissent le dromadaire, qui est venu d'Arabie. Et on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était une personne modeste. Hein, il ne faisait pas preuve d'orgueil ou d'élévation vis-à-vis des autres, alayhi salatu wa sallam, alors qu'il est le meilleur des hommes et le dernier des prophètes et le messager d'Allah. Et donc, rien ne l'empêchait de monter sur le dos d'un âne et monter avec lui. Et c'est un honneur d'être en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, en l'occurrence, c'est Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu. Donc, il dit, le prophète sallam lui a dit, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il dit, j'ai répondu, j'ai dit, Allah et son messager en savent plus. Alors il lui dit, alayhi salatu wassalam, le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Ça, c'est le droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu l'adores et tu ne lui associes rien. Ce n'est pas seulement que tu adores Allah, cela te permet d'adorer autre qu'avec Allah. Non, il t'est interdit d'adorer autre que Allah. L'adoration est exclusive et le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, personne en dehors de lui n'est en droit ou ne mérite une quelconque adoration. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtiera pas celui qui ne lui a rien associé. Alors Mu'adh radiallahu anhu dit, j'ai dit au messager d'Allah, puis-je en faire l'annonce aux gens de cette bonne nouvelle? Il lui dit, non, ne leur dis pas, ne leur annonce pas, sinon ils vont se contenter de cette annonce. C'est-à-dire, laisse les gens œuvrer, laisse-les à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ils ne restent pas, qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à cette annonce. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed. Rawi al-Hadith, le narrateur du Hadith, le compagnon qui rapporte le Hadith, huwa Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws al-Ansari al-Khazraji Abu Abd al-Rahman, sahabi mashhur min a'yani al-Sahaba, شهد بدرا وما بعدها وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس. Donc il a donné la lignée de ce compagnon qui est un Ansari, un Médinois d'origine, et plus précisément de la tribu de l'Khazraj. Car l'Ansar, ce sont les habitants de Médine qui ont reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont donné secours et refuge au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux compagnons muhajirin venant de la Mecque et qui ont immigré vers Médine. Et les Médinois, qui sont des Arabes, ils sont issus de deux tribus, Al-Aws ou Al-Khazraj. Donc à Médine, à anciennement elle s'appelait Yathrib, il y avait comme habitants deux tribus arabes, Al-Aws ou Al-Khazraj. Et chaque tribu avait un chef. Et il y avait aussi trois tribus juives qui habitaient à Médine à l'époque, avant la venue du prophète alayhi salam, et une partie du moment où il avait émigré alayhi salatu wassalam. Il y avait ces trois tribus qui étaient Banu Qaynuqa, Banu Qurayza, Banu Nadir. Donc Mu'adh, il fait partie de la tribu de Al-Khazraj, qui fait partie de Al-Ansar, ceux qui ont secouru, qui ont donné refuge au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux émigrés. Donc Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws al-Ansari. Amr, ça s'écrit comme Omar. C'est la même écriture. C'est les voyelles qui changent. Les Arabes ont pris l'habitude de mettre un waw à Amr. C'est un waw d'écriture, on appelle ça. Un waw d'écriture pour différencier de Omar. Quand tu vois écrit Omar avec un waw à la fin, ça veut dire que c'est Amr. Le waw ne se lit pas. C'est un waw d'écriture. Ibn Aws al-Ansari al-Khazraji, Abu Abdurrahman. Donc c'est un compagnon célèbre parmi les grands compagnons. Il a participé à la bataille de Badr avec le prophète alayhi salatu wassalam et les batailles qui ont eu lieu après. Car la bataille de Badr, c'est la première bataille qui a eu lieu. Et il avait atteint la sommité, le sommet dans la science et dans les règles religieuses et dans le Coran. Il est mort en l'an 18 de l'Hégire. Il est mort en l'an 18 de l'Hégire. C'est-à-dire pendant le califat de Uthman, radiallahu anhu. Pendant le califat de Uthman. Car Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il a été calife pendant environ 2 ans. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a été calife pendant 10 ans. Uthman pendant 12 ans. Radiallahu anhum. Donc il est mort pendant le califat de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Fisham, dans le Proche-Orient, la Syrie, Palestine, Jordanie, Liban, toute cette région qu'on appelle le Proche-Orient, on appelle Hisham. Donc dans un endroit qui s'appelle Amwas, il y a eu la peste. Et cette peste a emporté beaucoup de compagnons radiallahu anhum. Beaucoup de compagnons sont morts pendant cette année où il y a eu cette peste, on l'appelle Ta'un Amwas. La peste de Amwas. Et Mu'adh, on a vu son nom dans le premier hadith. Dans le premier hadith. D'accord ? Parce que dans le premier hadith, il y a l'envoi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a envoyé prêcher. Hein, donc c'était un savant parmi les savants des compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé où ? Au Yémen prêcher, il lui a donné des recommandations. Il lui a donné des recommandations alayhi salatu wa salam. Et Mu'adh, il est entré dans l'islam jeune. Il était adolescent. Adolescent dans le sens qu'on emploie aujourd'hui. Parce qu'en islam, la majorité, elle est à l'âge de la puberté. À l'âge de la puberté, on est majeur. C'est-à-dire qu'on est responsable de ses actes. On a des comptes à rendre. Il avait environ 17 ans, radiallahu anhu. Et il était très proche du prophète, alayhi salatu wassalam, et bien aimé du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, lorsqu'il l'envoie, pour lui montrer qu'il a cet amour pour lui, lui dit, « Ô Mu'adh, je jure par Allah que je t'aime. » Donc le prophète jure par Allah qu'il aime Mu'adh. Vous avez imaginé l'honneur qu'il a, que le prophète sallam, hein, lui confie cette parole et lui dit qu'il jure par Allah qu'il l'aime. Radiallahu anhu. Tafsiru al-mufradat. Donc l'explication du vocabulaire. Radifa. Rakiban khalfahu. C'est-à-dire qu'il est monté avec le prophète sallam et derrière lui. Il est à l'arrière du prophète alayhi salatu wassalam. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Lorsqu'il était enfant, il était assis sur une mule derrière le prophète sallam. Le prophète sallam a dit Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Ô enfant, je vais t'apprendre tes paroles. Donc le prophète sallam en profitait pendant ces moments-là pour donner des enseignements. Haqqullahi 'ala al-'ibad huwa ma yastahiquhu 'alayhim min al-'ibada wa at-ta'ah. Le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est ce qu'il est en droit, Allah subhanahu wa ta'ala, de la part des serviteurs, comme adoration et obéissance. Haqqul ibad ala Allah. Le droit des serviteurs sur Allah. هو استحقاق إنعام وفضل. C'est un droit qui est en réalité une donation, un don, un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un don qu'Allah fait à ses créatures. فهو جعل ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين. Donc Allah tabaraka wa ta'ala fait un geste de bienfaisance, de dons et de biens pour ses serviteurs monothéistes et qui sont sincères. وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ حَقٌ وَاجِبٌ. Sinon, Allah n'a aucun devoir envers ses créatures. وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ حَقٌ وَاجِبٌ بِالْعَقْلِ كَمَا تَزْعُمُ الْمُعْتَزِلَ. Contrairement à ce que disent la secte des Mu'tazila, qui disent que de par, parce que c'est de par la raison, de par le raisonnement, ils en déduisent qu'Allah il a des devoirs envers ses créatures. Afala ubashshiru an-nas ukhbiruhum bima yasurruhum. C'est-à-dire que je leur donne cette bonne annonce qui va leur faire plaisir. Yattakilu ya'tamidu. Donc des synonymes. On ramène des synonymes pour approcher le sens. C'est-à-dire qu'ils se contentent que de cette annonce. Ils se retiennent de continuer les bonnes œuvres. Al-ma'na al-ijmali. Le sens général global du hadith. Bayyana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadithi al-ghaya. التي خلق الله الخلق من أجلها. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous démontre, nous clarifie dans ce hadith le but même pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé. Comme Allah nous dit dans le Coran, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et je n'ai créé, dans le sens du verset, les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Non pas pour autre chose. Voilà le but même de la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc dans le Coran et dans la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, on a la réponse à cette question. Pourquoi Allah il nous a créés? Quelle est la raison de notre création? Et vous voyez des extrémistes parmi les soufis qui viennent inventer des raisons et des causes inexistantes dans les textes religieux. Et ils disent que la raison de notre création, c'est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne se contentent pas seulement de cette parole, mais ils vont chercher, si ce n'est eux-mêmes inventer, chercher des hadiths inventés qui n'existent pas en réalité. Si ce n'est eux-mêmes qui les inventent, des hadiths dans lesquels ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a créé Adam alayhi salam, que Adam a levé les yeux, le regard vers le trône, et il a vu l'attestation de foi écrite, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et que Adam a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, toi je t'ai connu, mais qui est celui dont le nom est à côté du tien? Il lui a dit, ça c'est un de tes descendants. Et si ce n'était pour lui, je ne t'aurais pas créé. Et je n'aurais pas créé les planètes et les astres. Wal'iyadu billah. Ça c'est un hadith inventé que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit. Et ils disent que tout a été créé de la lumière du prophète alayhi salatu wa sallam. Tout ceci ce sont des paroles erronées, fausses, qui n'ont aucun fondement dans la religion musulmane. Bayyana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها ألا وهي إفراد الله وحده بالعبادة والإخلاص له فإن هذا الحق العظيم ليس إلا لله الخالق العظيم المنعم المتفضل. C'est d'unifier Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'adoration sincèrement pour lui. Donc une sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est son grand droit à lui seul. Et ce droit n'est donné et ne peut être réservé qu'exclusivement à Allah, le Créateur, le Puissant, celui qui est le véritable donateur et qui est le bienfaisant envers ses créatures. كما بين الرسول الكريم ما يستحق العباد على الله من الجزاء إنهم قاموا بهذا الواجب العظيم. De même que le messager, l'honorable messager, alayhi salatu wa salam, nous clarifie, démontre les droits des créatures sur Allah, il leur a préparé comme rétribution, récompense, s'ils s'acquittent de ce grand devoir, ikhlasul ibad, la sincérité dans l'adoration. أن ينجيهم من عذاب النار ويدخلهم جنات النعيم. Et qu'il les sauve, il leur épargne le châtiment du feu de l'enfer et il les fait entrer dans les jardins des délices. وهذا أمر يسر به المؤمن ويستبشر به لذا قال معاذ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس. Ça, ce sont des paroles qui font plaisir, des paroles joyeuses pour le croyant d'entendre cette belle annonce. C'est pour cela que Mu'adh demande la permission au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis-je en informer les gens? Puis-je aller leur donner, leur propager cette belle annonce? ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى معاذا عن ذلك لمصلحة أمته وحبا منه أن يجدوا في العمل وفيما يقربهم إلى الله ويتنافسوا فيه لينالوا بهذا الجد والجهاد والتنافس الدرجات العالية عند الله. Mais le messager, alayhi salatu wassalam, a interdit à Mu'adh de le dire aux gens. C'est pour leur bien, pour ne pas qu'ils s'arrêtent d'œuvrer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime sa communauté et il veut les voir œuvrer et se rapprocher davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'agir dans ce qui les rapproche d'Allah Azza wa Jal et qui se concurrence dans les bonnes œuvres pour gagner avec ces efforts accomplis et cette belle concurrence les grands et les hauts degrés auprès d'Allah. Wa ala al-aks min dhalika لو تقاعسوا عن العمل واتكلوا على مثل هذا الوعد فإنهم سوف يفوتهم خير كثير وأجر كبير. Et contrairement à cela, si ils entendent cette belle annonce et arrêtent, s'abstiennent d'agir en bien et de se concurrencer dans le bien, alors ils perdront beaucoup de bonnes récompenses et ils vont le regretter. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour leur bien, il a dit à Mu'adh, ne leur dis pas. Certains pourront dire, se poser la question, comment se fait-il qu'on est au courant du hadith? Comment se fait-il que le hadith l'a été rapporté? Pas que Mu'az, d'autres compagnons ont dit, si ce n'était la crainte de cacher une science, on n'aurait jamais parlé de ces hadiths. Et certains parmi eux l'ont dit avant leur mort, pour dire qu'il y a cette science à connaître. Qu'il y a cette science à connaître, pour ne pas cacher une science. Et on a, à titre d'exemple, le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, il est à l'intérieur de la demeure avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, celui que tu rencontres derrière ce mur qui atteste de la ilaha illallah sincèrement, annonce-lui le paradis. Qu'est-ce qu'il fait Abu Huraira? Il s'empresse d'aller le dire aux gens. Il quitte la demeure. En sortant sur le trajet, il rencontre qui? Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Lui dit, où est-ce que tu vas comme ça en courant? Lui dit, je vais faire telle annonce aux gens. Et Omar le repousse en lui mettant un coup vers la poitrine, ce qui amènera Abu Huraira à tomber par terre. Et il lui dit, non, ne le fais pas, sinon les gens, ils vont se contenter de cette belle annonce et ils vont arrêter d'œuvrer. Et ils iront voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui donnera raison à Omar. Il lui dit, na'am, il lui donne raison à Omar de ne pas le dire aux gens pour ne pas. Et Abu Huraira dira plus tard qu'il a rapporté ce hadith pour ne pas cacher une, de peur de cacher, d'avoir gardé pour lui-même une science. Ma yustafadu min al-hadith. Leçon à retenir du hadith. Awalan, premièrement. Hikmatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ta'lim. La sagesse qu'avait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement et dans l'éducation. Haythu iftataha hadha at-ta'lim bis-su'al. De sorte qu'il a commencé cette éducation, cet enseignement par poser une question. C'est une des façons, hein, qui est une, c'est une pédagogie d'enseigner par, pourquoi? Pour éveiller la personne. Tu lui poses la question, tu aurais pu lui donner la réponse directement, l'information directement, mais tu lui poses la question, hein, pour qu'il y ait un certain éveil chez lui et qu'il réfléchisse à la réponse de cette question. Parfois, les compagnons avaient la réponse aux questions, mais ils préféraient entendre la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi de peur que, en fin de compte, la réponse est tout autre. Comme lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur demande aux compagnons, savez-vous quel jour on est aujourd'hui? Quel lieu? Et les compagnons disent, Allah et son messager en savent plus. Alors qu'ils savent quel jour ils sont, mais de peur que de ça, soit ils veulent directement entendre le prophète lui-même répondre, ou alors peut-être qu'il y a eu un changement. Et donc, ils attendent la réponse du prophète, alayhi salatu wassalam. De même, on a Jibril, alayhi salam. Jibril, il vient en forme humaine. Personne ne le connaît. Il se rapproche du prophète, alayhi salam. Il pose des questions. Les sahaba, ils entendent les questions, ils entendent les réponses. Puis, lorsque cet homme s'en va, le prophète, alayhi salam, il leur a dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Cette façon de faire, c'est un enseignement. Il a posé des questions pour que vous entendiez les réponses et c'est une des manières d'apprendre sa religion. حيث افتتح هذا التعليم بالسؤال ليكون اوقع في النفس وابلغ في فهم المتعلم. Pour que ça ait plus d'impact à l'intérieur de la personne et que ça soit plus fort aussi dans la compréhension de celui qui étudie et qui apprend. Deuxièmement, fihi tawadu' Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa husnu akhlaqihi haythu yarkabu al-himar wa yardifu ashabahu ala markubihi. Donc, parmi les leçons, il y a la modestie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles caractères, son bon comportement il monte sur un âne et il fait monter derrière lui des compagnons. Thalithan, troisièmement. وفيه بيان أعظم حقوق الله على عباده. Donc là, il est bien clarifié, précisé, le plus grand des droits d'Allah sur ses serviteurs. Vous regarderez qui donne de l'importance à ce plus grand droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça, c'est le plus grand droit d'Allah. C'est qu'Allah soit adoré seul, sans rien lui associer. Donc, lorsque des gens vous disent que ce droit d'Allah n'est pas aussi important que ça, soit ils le disent de leur propre bouche, par des paroles comme « c'est une histoire de 10 minutes, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus, tout le monde connaît, il n'y a pas besoin, c'est bon », comme si c'était des formules mathématiques. C'est bon, on sait que le tawhid, c'est comme ça, voilà, ça s'arrête là. Subhanallah. C'est comme ça qu'il y en a. Ou alors, de par leur façon d'être, leur geste, ils montrent qu'ils ne donnent pas d'importance à cette parole. Combien, Allah sait combien sont-ils, ces gens-là? Et ça prétend prêcher à l'islam. Quel est l'islam auquel ils prêchent? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter seulement sur le mot islam. S'il n'y avait pas d'égarement, de déviation, et que les musulmans représentaient tous clairement, véritablement l'islam, le mot islam suffirait. Mais puisque beaucoup parlent, citent le mot islam, mais lorsqu'on entre dans l'intérieur, ce n'est pas l'islam avec lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons d'Allah anhum, ça ne suffit plus. Il faut entrer dans des précisions. Et plus il y a de l'égarement et de la déviation, et plus il faut préciser pour se distinguer des gens du faux. Et pour rester sur le véritable islam qu'a prêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Lorsque ont commencé à apparaître des déviations, des égarements, à la fin des compagnons, les derniers compagnons, ils ont employé le mot « Ahl Sunnah ». Ce sont ceux qui suivent la tradition. Ceux qui sont sur les traces du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Wal Jama'a », le groupe mère. Le groupe sur lequel étaient le prophète et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et c'est les sectaires, les innovateurs qui ont quitté le Jama'a. Qui ont quitté le Jama'a. En commettant leur déviation, en amenant leurs innovations, ils ont quitté le groupe d'origine. Et ils ont divisé la communauté. C'est pour cela qu'elle sonne, elle est liée avec la jama'a, avec le groupe. Et la bid'a, elle est liée avec la division. On dit « ahlul bid'ati wal furqa ». Les adeptes de l'innovation et de la scission, de la division. C'est l'innovation qui divise. Et non pas la sunna. La sunna, elle réunit. Allah, il n'a pas dit aux musulmans « wa'tasimu jami'an » et « cramponnez-vous tous, restez unis tous ». Non. « Wa'tasimu bihablillahi » On se réunit tous sur quoi? Sur la corde d'Allah. La corde d'Allah. Hablullah al-Qur'an. Hablullah al-Jama'a. Hablullah al-Islam. Et toutes ces explications, ces interprétations, elles se réunissent. Al-Qur'an, c'est l'islam authentique. Al-Jama'a, c'est le groupe de musulmans sur l'islam authentique. La Sunna, c'est l'islam authentique. Donc, on doit tous rester attachés, cramponné aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, de suivre l'islam authentique. Wala tafarraqu, et ne vous divisez pas. Donc vous entendez quoi? Ce n'est pas grave, chacun pense ce qu'il veut, chacun a la croyance qu'il veut. L'essentiel c'est qu'on soit unis. Ça, c'est un appel que jamais aucun prophète n'a appelé à cela. Ça n'existe pas dans le prêche des prophètes. Jamais les prophètes ont dit, c'est pas grave, quelle que soit la direction que vous prenez, l'essentiel, c'est que les corps y soient unis. Non, l'islam appelle à l'union réelle, véritable. Les cœurs doivent être unis et les corps doivent être unis. Ça va de pair. Pas seulement les corps. Comment on peut réunir deux personnes, l'un pour lui, les compagnons sont les meilleurs des hommes, et pour l'autre, ce sont des mécréants, les plus grands apostats que la terre ait connus. Deux contradictions totales. Comment ? Les uns ont la croyance, la ferme conviction que le Coran est la parole d'Allah incréée. Et c'est la plus véridique des paroles. Et à côté d'eux, ils doutent sur la véracité du Coran. Et ils disent que ce n'est pas le véritable Coran. Comment pouvez-vous unir ? Comment pouvez-vous prétendre que ce sont des divergences futiles ? Non, ça c'est les bases même de la religion. Wallahul musta'an. Ça, c'est à titre d'exemple. Comment réunir entre des personnes qui prônent le prêche des prophètes, la base même qui est l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, et à côté, non, on peut donner des adorations autres que Allah. On peut adorer des saints. Et on est récompensé pour l'adoration qu'on donne aux saints. Parce que les saints, on les adore pas pour eux-mêmes, mais c'est pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Alors qu'Allah a déclaré polythéiste les tribus, la tribu de Quraysh et leurs semblables qui ont fait la même chose, qui adoraient en dehors d'Allah en prétendant qu'il est rapproché d'Allah et qui ne les adoraient pas pour eux-mêmes. Ces gens pensent qu'ils sont hyper intelligents, qu'ils ont trouvé le moyen que tous les prophètes n'ont pas trouvé pour réunir les gens. Subhanallah. Et lorsqu'un prophète, son peuple ne l'a pas écouté, certains vont même dire, regardez le respect qu'ils ont pour les prophètes. Wal'iyadhu billah. Ils disent qu'il a échoué. A'udhu billah. Jamais un prophète n'a échoué. Il s'est acquitté de son devoir. Mais la guider des gens n'est pas entre ses mains. C'est Allah qui guide qui il veut et il égare qui il veut. Les prophètes sont les meilleurs des hommes. On ne les adore pas. Ce sont des créatures qui eux-mêmes adorent Allah. Et ils ont adoré Allah. Et ils ont invité leur peuple à l'adoration d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Mais ce sont les meilleurs des hommes. Il y a des limites à ne pas franchir. Les prophètes, on ne parle pas d'eux comme on parle de n'importe quel homme. Ça, c'est celui qui a une bonne éducation. Puis ça vient dire quoi ? Le bon comportement. L'islam, c'est le bon comportement. Ayez un bon comportement envers votre créateur. Subhanahu wa ta'ala. Envers le Coran, envers la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, envers les prophètes, envers les compagnons, envers les grands savants et les grands imams de la sunna. Et ces gens-là te remuent terre et ciel lorsque quelqu'un leur a manqué de respect à eux-mêmes. Et ils ne s'en remettent pas. Subhanallah. Comme si ils étaient plus sacrés que les prophètes ou les compagnons radiyallahu anhum wa sallallahu wa sallama ala jami' al-anbiya wal mursalin. Yani ça, faut faire attention. Jama'at al-tabligh, ils disent les questions qui ramènent des divergences, on les aborde pas, donc on parle pas dans le domaine de l'adoration. Pourquoi? Parce que dans la communauté, ça va ramener des problèmes. Il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Mais on va parler sur les sujets que tout le monde est d'accord. De dire qu'Allah, c'est lui le créateur. Qu'Allah, c'est lui qui donne à manger et à boire. Qu'Allah, c'est lui qui décide de toutes choses. Voilà. Personne ne va se lever pour dire le contraire. Mais de leur dire, tu n'as pas le droit de tourner autour des tombes. Ah là, ça va toucher certaines personnes. Ah bon, comment ça? Mais nous, on a l'habitude d'aller dans les tombes et tourner. Non, c'est interdit, c'est du polythéisme. C'est un acte d'adoration. Et tu n'as le droit de l'accomplir que dans un seul endroit. C'est à la Mecque autour de la Kaaba. C'est le seul endroit où tu as le droit de tourner comme acte d'adoration. C'est le tawaf. Autour des tombes, ça n'existe pas. Tu n'as pas le droit d'invoquer autre que Allah. Ah bon ? On n'a pas le droit d'appeler et d'interpeller les morts. Non. Ça, c'est du shirk. Akbar, qui fait sortir de l'islam. Tu n'as pas le droit de croire que des créatures connaissent le futur ou connaissent l'invisible. Ah bon ? Mais nous, on pense que les saints, ils connaissent. Ça, ce sont des croyances erronées qui existent chez des gens. Et si personne ne vient corriger les gens, qui va les corriger ? Subhanallah. Et ils disent, nous, on vient sortir les gens. Que ce soit les frères musulmans, l'établir ou autre. Ça, c'est leur prêche. Moi, je ne parle pas des erreurs d'une personne par-ci, par-là. Non, ça, c'est le prêche en lui-même. Ce sont les directives. Les directives, même des responsables et des fondateurs. Ils inventent même des histoires en pensant que qu'ils arrivent à trouver des réponses que personne ne trouve. Deux personnes se disputent le adhan. Hassan al-Banna, il rentre dans la mosquée. Qu'est-ce qui se passe ? C'est à moi de faire l'adhan. Non, c'est à moi de faire l'adhan. Vous savez quoi ? Personne ne fait l'adhan. Et il n'y a pas d'adhan de fait. Allahu al-Musta'an. En pensant que voilà, vous avez vu l'imam, il a trouvé une réponse. A'udhu billah. L'adhan, il faut le faire pour annoncer l'entrée de l'heure de la prière aux gens. Subhanallah. Et ils pensent que c'est un agir. Vous avez vu la sagesse? Mais quelle sagesse? La sagesse, c'est de poser chaque chose en sa place. Ça, ce n'est pas une sagesse, ça. Ça, c'est une injustice. Puisque l'adhan, il a été enlevé. Wallahu al-musta'an. Donc, ils pensent trouver des réponses, mais c'est que la raison. Et ils demandent quoi au public, aux gens? Et si les gens disent, ah oui, ben voilà, vous avez vu, on a raison. Les gens, ils ont dit qu'on a... Depuis quand le public, c'est lui qui juge? Depuis quand? Subhanallah. Lui, il est venu pour enseigner. Les gens sont venus pour apprendre. Il ne faut pas inverser les rôles. Donc les gens, ils ont jugé que c'est toi qui as raison, c'est pas toi qui as raison. Non, c'est pas comme ça. Subhanallah. Est-ce que sont semblables, égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ne se rappellent que ceux qui sont dotés de raison, véritable raison. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Les gens, à la base, ils ont un bon fond. Les gens, ils veulent le bien. Et ces gens-là viennent t'empêcher d'enseigner le bien. D'enseigner le bien. Et ça, c'est devenu, c'est un poison. Jusqu'à ce que c'est entré chez pratiquement tout le monde. Allah al-Musta'an. Il y a des séquelles, des restes de ces mauvaises compréhensions de la religion. Et qui d'entre vous n'a pas vécu à un moment ou l'autre ce genre de problème? Tu dis une vérité de la meilleure manière, on dit non, tu as été trop dur. Maintenant, le mot dur, il est facile à employer. De même que le mot, le contraire aussi. Un chrétien devant toi, il dit, moi et toi, on adore le même Dieu. Lui, le pauvre, il ne sait pas. C'est ce qu'il pense. Mais lui, en réalité, il adore qui? Il invoque qui? Jésus, la Sainte Vierge, le Saint-Esprit. Les saints, qu'ils appellent les patrons. Le saint patron, parce que c'est le saint, il a un territoire. C'est lui qui ramène la bénédiction. Voilà, c'est grâce à lui que ça se passe bien, qu'ils sont préservés, protégés. Et il l'appelle le saint patron. L'ayadu billah, c'est ce qu'on a chez nous, les sidis. C'est la même chose, hein, ça ressemble aux chrétiens. Dans leur façon, leur relation avec certains morts. Et tu lui expliques, non, on n'adore pas le même Dieu. Toi, tu invoques et tu adores Isa alayhi salam. Isa, pour nous, c'est un homme, un honorable homme, un prophète, un messager. d'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les meilleurs et les plus grands des prophètes et des messagers. Mais on n'a pas le droit de l'adorer. Et jamais Isa ne vous a demandé de l'adorer. Et sa mère est une femme honorable, une vierge. Jamais aucun homme ne l'a approché ni ne l'a touché. C'est un miracle qu'Allah lui a donné dans la naissance de Isa alayhi salam, qui est né sans père. Allah, il a dit soit et il fut. Mais on n'a pas le droit de les adorer ou de les invoquer en dehors d'Allah. Alors que nous, les musulmans monothéistes, on adore Allah, le créateur, le seul à être en droit d'être adoré. Ce n'est pas semblable. Et d'un côté, tu as des gens qui... Oh non, t'as été trop dur, lui il est venu vers toi. Allah al-Musta'an. Et c'est des gens qui disent quoi? Il faut parler sur le gouverneur. C'est le gouverneur qui a une armée, qui a des policiers, qui a des soldats, il a de quoi t'emprisonner, il a de quoi te châtier, il a de quoi te faire du mal. Oui, il faut parler sur eux. Et là où, là en face de toi, il n'y a ni armée, ni police, ni rien, ils ne sont pas capables de parler. Ils ne sont pas capables de parler devant leur chef de parti, leur chef de secte. Ils restent silencieux même quand ils savent qu'il a dit une gravité. Et le meilleur d'entre eux, il va peut-être lui dire tout seul. C'est tout, il n'ira pas plus loin. Il a peur pour de perdre sa place ou de perdre une reconnaissance, je ne sais quoi. Et ça vient faire les personnes courageuses. Oui, il faut parler, c'est le gouverneur. Mais quand la police et l'armée, elles arrivent, ils prennent les pauvres gens qui étaient assis, qui étaient présents. Et lui, il est où? Il a déjà pris l'avion, lui. Son passeport, il y avait déjà le visa, il était déjà tout prêt. Subhanallah. Tout était calculé. Et Allah sait combien ils sont nombreux, ce genre de personnes. Mais dommage, les gens, ils aient... La première fois, comme il disait Ali, radiallahu anhu, beaucoup de gens de la masse, ce sont les suiveurs de la vague qui arrivent. Elle les prend. Ils suivent. Ils y croient. Ou ils veulent y croire. Ils veulent y croire. Et ils pensent que c'est ça la vérité. Alors que là, il y a des textes clairs, explicites, concernant celui qui gouverne. Ce n'est pas histoire, tu les aimes, tu ne les aimes pas. Là n'est pas la question. La question est que tu te plies au texte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète m'a dit, voilà comment on doit se comporter vis-à-vis de ceux qui détiennent le pouvoir. Subhanallah. En agissant ainsi, tu t'es soumis à Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu ne fais qu'obéir à Allah, azza wa jal. Et eux, ils ne veulent rien entendre. Ça ne les intéresse pas, ces textes-là. Si, ils peuvent les employer pour eux-mêmes. Ah, lui, c'est notre émir. Et le prophète, il a dit, ah oui, d'accord, donc là, oui. Donc là, là tu reconnais les hadiths. Allahul Musta'an. D'abord, la secte des frères musulmans, ils ont un principe. Beaucoup ne le savent pas, même dans leurs suiveurs. Mais les hauts, ils le savent. Celui qui n'entre pas dans leur mouvement n'est pas un musulman. C'est pour ça qu'ils s'appellent les frères musulmans. Ce sont les seuls qui sont frères en islam. Et l'islam, c'est l'islam à eux. Et le gouverneur reconnu, c'est celui qui est issu de leur mouvement. S'il n'est pas issu de leur mouvement, ils ne le reconnaissent pas, même s'il applique la charia comme il le faut. Ils lui trouveront toujours une faille et un problème. Et ça, c'est le problème sectaire. Ce n'est plus l'amour, le détestement, l'alliance, le désaveu pour Allah. Non, c'est pour la secte. C'est pour le mouvement. C'est le mouvement qui te dicte qui tu dois aimer, qui tu dois détester. Avec qui tu dois t'allier, avec qui tu te dois de te désavouer. Voilà, c'est Wallahu al-Musta'an. Donc, ne soyez pas étonnés que le tawhid n'a pas sa place chez ces gens parce que ce n'est pas leur priorité. C'est pour cela qu'ils peuvent se réunir avec des tendances contradictoires. Ils peuvent se réunir, pourquoi? Parce que l'objectif, c'est le même. L'objectif, c'est le même. C'est d'atteindre les sphères du pouvoir. C'est d'atteindre la chaise, le siège. Donc, tous les moyens pour l'atteindre, et ça, c'est l'objectif. Enfin, ils disent, nous, on fait tout pour ramener un État islamique. Ça n'a jamais été un objectif, ça. Dans la vie, c'est les musulmans, alhamdoulilah, Allah leur permet d'avoir leur propre État, et leur propre gouverneur, alhamdoulilah. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que Allah soit adoré seul, sans rien lui associer. Combien de prophètes n'ont pas connu d'État ? Subhanallah. Ce n'est pas l'objectif. Mais l'objectif même réel, il a été atteint. C'est l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Que le prophète y soit seul ou entouré, accompagné par des croyants. Subhanallah. Donc on fait croire aux gens des choses ou des paroles qui peuvent avoir leur existence, mais on leur donne une ampleur plus haute que la réalité. Donc les gens, ils pensent que c'est pour ça qu'ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Alors, non, on n'a pas fini encore. Mais pourquoi tu n'adores pas Allah ? Non, mais ce n'est pas ça l'objectif, subhanallah. Et voilà, c'est ça. Et une fois qu'un des leurs, il est arrivé, ça y est, allez, on pose les bagages, on pose tout, c'est fini. Alhamdulillah, on a atteint ce qu'on voulait. Allahul Musta'an. Combien de gens sont leurrés ? Et on les trompe. Qu'Allah nous guide tous dans le droit chemin. ثالثا وفيه بيان أعظم حقوق الله على عباده ألا وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده. Donc hein, il est bien clarifié troisièmement dans ce hadith que le plus grand droit, le plus énorme droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs, c'est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, de l'unifier dans l'adoration, lui seul, sans rien lui associer. رابعا quatrièmement وفيه تفضل الله على عباده بأحسن الجزاء على أداء هذا الحق. Donc il y a cette générosité, ce bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala donné, octroyé à ses serviteurs, hein, il leur donne la plus grande et la meilleure des récompenses et des rétributions si ils s'acquittent de ce droit et de ce devoir, qui est l'unicité d'Allah, d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, ils gagneront l'entrée au paradis. وفيه خامسا cinquièmement وفيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. Qu'il est recommandé de faire des bonnes annonces aux musulmans, de lui dire ce qui va lui faire plaisir. سادسا sixièmement وفيه الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. Donc sixièmement, la crainte dans ce hadith, on retrouve quoi qui est clarifié aussi, qui est expliqué, la crainte de se contenter de la grande vaste miséricorde d'Allah Azza wa Jal, de compter seulement sur la miséricorde d'Allah, et c'est-à-dire de ne plus agir. فَإِنَّ هَذَا الْإِتِّكَالِ يَضُرُّ كَثِيرًا مِنَ الْجُهَالِ. Car cette façon de faire, cette forme de retenue, de ne plus agir, de se contenter de dire « j'espère en la miséricorde d'Allah », celle-là, elle a été nuisible pour beaucoup de personnes parmi les ignorants. Et ça, c'est répandu. Plein de gens ne font aucun effort pour apprendre leur religion. Ne font aucun effort. Quand je dis aucun, il peut y avoir un petit effort, mais il y en a, ils n'en font aucun apparent. Aucun effort pour apprendre leur religion. Aucun effort pour se réformer. Et c'est quoi leur réponse ? Allah, il est pardonneur. Allah, il est miséricordieux. Allah, sa miséricorde, elle est vaste. Et elle englobe toute chose, n'est-ce pas ? Combien de gens, ils vivent avec ces paroles-là ? Ce sont des paroles véridiques, mais ils oublient de l'autre côté qu'Allah, il a créé le feu de l'enfer. Qu'Allah va châtier ceux qui agissent en mal. Qu'Allah, il est douloureux dans son châtiment. Qu'il y a des actions commises ou des actions qui ont été négligées, délaissées, qui amènent la colère d'Allah et la miséricorde et la malédiction d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui éloignent de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Le musulman, il avance avec ses deux ailes. Il vole comme un oiseau avec ses deux ailes. Une aile, c'est l'espoir et l'espérance, et l'autre aile, c'est la crainte et la peur. C'est comme ça qu'il avance, elle avance la personne. Et elle chemine vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Et certains pensent qu'il n'y a pas de mal à ne pas accomplir les obligations. Il n'y a pas de mal à commettre des péchés. Non, c'est grave. Ça nuit, ça entache la foi. Donc, et ça amène beaucoup de mal dans ce bas monde. Et il est à craindre pour la personne dans l'au-delà. Dans la croyance de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, on a espoir pour les gens qui agissent en bien. Et on craint, on a peur pour ceux qui agissent en mal. Donc la personne se doit faire preuve de crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et de cheminer vers Allah azza wa jal et d'éloigner Satan et ses suggestions et ses... il te fait croire qu'il y a encore le temps. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dessiné sur le sable, sur la terre, il a dessiné la vie de la personne, le temps qu'il va vivre. C'est un carré. D'accord ? Donc il est fermé, limité. Ça, c'est la vie. Et il a tracé du milieu un trait qui dépasse le carré. Et il a dit ça, c'est l'espoir de la personne. Et la personne, elle espère plus que les limites de sa vie. Donc, tu espères. Bah, la mort, elle arrive. Donc, de remettre au lendemain, de remettre à plus tard, tu ne sais pas quand est-ce que la mort, elle va t'atteindre. Donc, est-ce que tu es garant comme quoi tu auras le temps de revenir, le temps de te repentir? Tu ne peux pas. Donc, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et Shaitan, Yom Al-Qiyamah, c'est pas la peine. Les gens vont lui dire, c'est à cause de toi. Ah, moi, j'ai rien à voir avec vous. Moi, je vous ai ramené des idées, il ne fallait pas m'écouter. J'ai forcé personne. Chacun est responsable. Qu'Allah nous facilite à tous. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.